Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert. Sur RQC. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Il fait super bon aujourd'hui, hein. On n'a vraiment pas envie de bouger. On a envie de rester dans son transat et d'écouter RQC. Mais bon, si vous êtes même au taf et que vous écoutez RQC, eh ben, c'est très, très bien ainsi. Et pour les étudiants qui sont déjà peut-être en période de bloc, ben voilà, vous pouvez écouter l'ASIC en bloquant. Dernière ligne droite pour un peu tout le monde avant les vacances. Alors aujourd'hui, notre backstage, ça va être un backstage live. Et comme d'habitude, juste avant de vous présenter la formation, on va s'écouter un extrait. Et normalement, vous allez reconnaître de suite. C'est un backstage, je vais un peu vous aider comme ça, qui date de 1980 tout juste. Voilà, c'est parti les amis. En couleur, en concert, sur RQC. After Vous avez dû sûrement reconnaître à ce fameux groupe qui est d'autre que Supertramp. Et on vous parlera donc du live à Paris, sorti en 1980 et enregistré donc en novembre de cette année. De l'année 80, bien entendu. Alors, Supertramp est un groupe de rock progressif anglais fondé à Londres en 1969 par Rick Davies et Roger Hodgson. Il réalisa ses plus grosses ventes dans les années 1970. Initialement, la musique de Supertramp est composée d'ambitieux albums concept, mais le groupe sera plus connu pour ses chansons comme Dreamer, Given a Little Bit, The Logical Son, Goodbye Stranger, It's Raining Again ou Breakfast in America. Et là, l'historique du groupe, avant Supertramp, Supertramp est créé en 1969, donc à la suite de l'audition de Roger Hodgson par Rick Davies. Ces deux musiciens composeront ensuite la majeure partie des chansons du groupe, dont ils seront en quelque sorte les leaders. Rick Davies est né en 1944 dans une famille d'ouvriers. Il découvre la batterie à 12 ans et découvre dans le même temps James Cupra et son morceau Dreaming Man qui exerce sur lui une forte influence. À l'âge de 15 ans, il entre dans une fanfare puis dans un groupe de rock Vince and Vigilant. Il écoute alors du rhythm and blues, notamment Little Richard, Fats Domino et Chuck Berry. À la Sweden Art School, il monte un groupe de blues avec Raymond O'Sullivan, qui prendra plus tard le nom de Gilbert O'Sullivan et connaîtra un succès international. Rick and Blues, qu'il dissout pour aller travailler comme soudeur lorsque son père tombe gravement malade. Il rejoint les Lonely One, un groupe de musique soul mené par Noel Redding, futur bassiste de Jimi Hendrix Experience. En septembre 1966, les Lonely One partent en tournée en Europe et s'installent à Genève en 1967, où ils se rebaptisent The Joy, comme par hasard. Roger Hodgson est né en 1950 dans une famille aisée. Il commence à jouer de la guitare à 12 ans, âge auquel il est envoyé dans un pensionnat pour garçons par sa mère. Il quitte l'école à 18 ans et fonde un groupe qui s'appelle People Like US, avec lequel il enregistra un 45 tours intitulé Duck Pound, qui sort en mai 1968. Le groupe est rapidement dissous. Je change ma petite page. Mais notamment grâce à l'aide d'un roadies de Traffic, Hodgson enregistre quelques morceaux en studio, dont Mr. Boys avec Elton John, inconnu à l'époque. Voilà, après je vais vous parler un petit peu de la création, car il y a énormément de choses à dire sur ce fabuleux groupe Supertramp. On va s'écouter un deuxième extrait, justement, où je vous parlais de Logical Song. On va s'écouter ce titre donc de Supertramp. En couleur, en concert sur RQC. Thank you. cela ne nous rajeunit pas, mais bon, ça fait toujours du bien d'écouter du vieux Supertramp, hein, donc Live in Paris, sorti en 1980. Alors, la création, hein, ben, de 1969 à 1972, 72, donc ils ont un peu cherché leur marque pour se créer, et puis vous allez voir, c'est... je pourrais pas vous citer tous les membres de groupe de Supertramp, ça prendrait une bonne demi-heure. Alors... En 1969, Rick Davies se produit au PN Club de Munich avec son groupe The Joy. Cette prestation est remarquée par un millionnaire néerlandais, Stanley August Meiseges, donc alias Sam. David Lee Williams, alors manager du groupe, réussit à convaincre Meiseges de financer le groupe. Mais Sam décide, après quelques mois, d'arrêter d'aider The Joy. Le groupe se dissout alors. Cependant, Sam, impressionné par les talents de Rick Davies, lui propose un soutien financier s'il crée un nouveau groupe. Davies place alors une annonce dans le journal musical Melody Maker pour une audition baptisée Genuine Opportunity. Roger Hodgson, poussé par sa mère, se présente à l'audition avec une guitare acoustique et joue Dear Mr. Fantasy des Traffics. Rick Davies, fasciné par la voix de Roger Hodgson, c'est vrai que Roger Hodgson a une voix très très très particulière, moi j'adore sa voix, le choisit. La première version de Supertramp est alors composée de Rick Davies, du chanteur, guitariste et pianiste Roger Hodgson, ainsi que de Richard Palmer, guitariste Balalaika, et le chant, un passionné de The Band et de Traffic, qui plus tard deviendra parolier pour King Crimson, et de Robert Millar, percussion harmonica. Parfois appelé Bob Millar, à cette époque, les membres du groupe s'entendent très mal. Le groupe va brièvement choisir le nom de Dan Daddy pendant quelques mois avant de devenir, sur les conseils de Richard Palmer, Supertramp. D'après le nom d'un roman écrit par William Henry Davies en 1908, intitulé Autobiography of the Supertramp, littéralement l'autobiographie d'un super clochard. Sam finance donc le groupe, mais celui-ci est loin de vivre dans l'opulence. De ce fait, Sam Meiseges paie le matériel et avance de temps à autre un peu d'argent lorsque cela s'avère indispensable. Le groupe retourne donc se produire au PN Club de Munich à un rythme de 5 à 7 concerts par semaine. Après, je vais vous parler un peu du premier album de Supertramp, et après, on arrivera tout doucement vers le succès, hein, car ça peut être tout rose pour eux tout de suite. On va s'écouter un troisième extrait, justement avec Breakfast in America. Vous écoutez Backstage. Going to come true. Voilà, donc c'était Breakfast in America, Super Tramp, enregistré à Paris donc en 1981. Premier album de retour au Royaume-Uni, Super Tramp émet le souhait de sortir un 33 tours. Sam va alors utiliser son carnet d'adresses et en parler à Bill Wills, manager de Peter Sellers. Au fil des contacts, le groupe obtient un contrat chez IAM Records. Supertramp répète au Morgan Sound Studio de Londres et décide, comme Spooky Toots et Traffic, de travailler uniquement la nuit entre minuit et 6 heures du matin environ et de s'autoproduire. Leur premier album, Supertramp, sort en août 1970. Les morceaux ont globalement été écrits par Hodgson, Davis et Palmer. Les deux premiers écrivant la musique et Palmer les paroles. Le chant est essentiellement assuré par Hodgson. La pochette de cet album représente un visage enclos dans une rose sur fond noir. Il ne connaît pas le succès commercial. Dave Winthrop, flûte et saxo, rejoint le groupe pour son premier concert au festival de l'île de Wight. Fin 1970, Richard Palmer quitte le groupe en 1973. Il se retrouvera avec Kim Crimson comme parolier, remplaçant ainsi Peter Sinfield sur trois albums sous son nom complet Richard Palmer James, suivi de Robert Millar début 1971. Désireux de trouver le succès, David et Hodgson essaient de changer de style musical et de recruter d'autres membres pour leur prochain album. Frank Farrell, basse, et Kevin Curry, percussion, remplacent Millar et Palmer. Roger Hodgson passe de la basse à la guitare. Leur nouvel album, Indelibly Stamped, présente un son plus rock ressemblant à certains morceaux de la dernière période des Beatles, mais avec des influences variées allant de Led Zeppelin, chanson Potter, aux Doors, long morceau d'orgue dans Harry. La patte de Richard Davis s'affirme tant au chant, il interprète la majorité des chansons, que dans la composition qui lorgne clairement vers le rock progressif avec des teintes de rhythm and blues. La pochette plus racoleuse représente une poitrine de femme tatouée. Malgré cela, les ventes n'augmentent pas. On parle plus de la photo que de la pochette que de l'album. Dissolution de la première version du groupe. Sam Mysiegas doit rembourser 60 000 euros, donc ce qui fait plus ou moins 150 000 livres de dettes pour le matériel et les enregistrements. Il ne soutient plus le groupe, mais leur laisse leurs instruments. Supertramp se dissout et Hodgson et Davis repartent de zéro. C'est durant cette période que Hodgson essaie pour la première fois au LSD. Il dira que cette expérience a changé sa vie et sa vision des choses, et avoir été déçu par le fait que Davis ait refusé d'y prendre. En 1973, il participe à l'album You and Me avec Chick Churchill, le claviériste de Ten Years After. Le succès de Supertramp de 1972 à 1983 arrivait un nouveau membre durant l'été. Une importante recherche de remplacement aboutit au recrutement de Doug Thompson, basse, Bob Sindenberg, batterie, John Helliwell, saxophone et autres instruments avant, occasionnel, clavier et chœur. Doug Thompson est né en 1951 à Glasgow, en Écosse, recruté par audition. Il a déjà joué auparavant dans des groupes de jazz, le Alan Brown Set avec Johnny Hunty Helliwell. Bob Sindenberg est un Américain de Los Angeles, né en 1949, fan de Procol Harum. Il apprécie particulièrement Levon Helm, batteur de The Band, B.G. Wilson de Procol Harum, Art Blanquet, Sandy Nelson, Jim Capaldi des Traffic. Il a été remarqué par David et Hodgson alors qu'il jouait avec les Bees Make Honey, un groupe de pub rock. Johnny Hunty Helliwell est né en 1945 à Todmorden dans le Westonshire. où il a commencé à apprendre le piano à 9 ans et la clarinette à 13 ans. À l'âge de 15 ans, il commence à s'intéresser au jazz moderne, notamment avec Julian Cannonball Adderley et Sonny Rolling. Sans pour autant abandonner la musique, il étudie l'informatique et devient programmeur pour la société internationale Computer Ltd. En parallèle de son travail, il joue avec The Decimen, un groupe de rock, puis dans un groupe de blues appelé Jug O'Harry. Peu de temps avant de rejoindre Supertramp, il jouait dans une formation du nom de Pete Lancaster, qui tournait dans des bases militaires américaines en Allemagne. Après cette tournée de retour au Royaume-Uni, son ami Dougie Thompson lui téléphone pour qu'il vienne assister à une répétition de Supertramp, et c'est à la suite de cette répétition qu'il jouera le morceau et entrera dans le groupe. Le groupe est ainsi complété, peut alors écrire un nouvel album. Rick Davies et Roger Hodgson commencent à écrire et composer chacun de leur côté. Je vais vous parler après de la suite. On va d'abord s'écouter un autre extrait. On va s'écouter Dreamer de Supertramp. En couleur, en concert, sur RQC. Put your hands in your head, oh no. I said, On ne vous a pas tout dit. L'émission qui fait débat. Quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit. Les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Voilà, donc on continue sur ce fameux groupe, hein, Supertramp. Supertramp a encore des problèmes financiers et Roger Hodgson envisage alors de tout abandonner pour partir en Inde. Dave Mangerson, qui travaille chez IM Records, est séduit par la nouvelle maquette du groupe. IM Records prend en charge en quelque sorte le groupe et loue une femme prête à... une ferme près de Simcombe dans le comté de Somerset en Angleterre afin qu'il puisse répéter et demande à Ken Scott, le producteur de David Bowie, de travailler avec le groupe. S'isole alors pour travailler pendant plusieurs mois, de novembre 1973 à février 1974, certains membres du groupe ayant amené avec eux leur famille. Cet isolement pose parfois quelques problèmes, mais globalement, les membres du groupe apprennent à se connaître et à travailler ensemble sur leurs nouveaux projets. Cette nouvelle formation sort en mars 1974, le single Load Horn Summer Remance, qui passe quasiment inaperçu. Crime of Century, un tournant. Le groupe enregistre son projet au Trident Studio de Londres et sort en 1974 Crime of the Century, qui marque le début du succès du groupe, tant au niveau des critiques qu'au niveau commercial, bien qu'ils écrivent et composent séparément. Toutes les chansons sont créditées David et Hodgson. Les deux auteurs voulant associer leur nom à la manière de Lennon et McCartney. L'album se vaut conceptuel et le thème abordé sont dans l'ensemble assez sombre et ironique. Crime of the Century traite de l'aliénation physique et mentale en opposant à la fois tout ce qui tient de la norme du cadre, le système scolaire et l'éducation avec School, Bloody World Right, du repli sur soi et de la folie, Hide in Your Shell et Asylum, ou encore de la rêverie et de l'errance dans Dreamer, Ready. Au fur et à mesure que s'agrènent leurs chansons, se posent sur deux questions. Où se trouve la frontière entre raison et folie? Et qui décide de cette frontière, eux ou moi? Crime of the Century. La pochette de l'album présente les barreaux de la fenêtre d'une cellule de prison auxquelles s'accrochent deux mains flottant dans l'espace. Cet album devient disque d'or au début de l'année 1975 et se classe premier au Royaume-Uni, où le single Dreamer entre au top 10 et la face B, Bloody World Right, monte en mai 1975 au top 40 des États-Unis, où l'album devient disque d'or la même année. Sindenberg pense que le groupe a atteint un sommet artistique avec ce troisième album, mais leur plus grand succès commercial viendra plus tard. Les morceaux les plus connus de cet album sont Dreamer, 13e hit parade britannique, Crime of the Century et Bloody World Right. Son deux titres sont classés 35e au Royaume-Uni et School. Supertramp accompagne Crime of the Century d'une tournée de concerts son et lumière au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le groupe n'est toutefois pas encore connu dans le monde entier. En effet, seulement 8 tickets sont vendus lors du concert au Bataclan à Paris. En réalité, il y avait environ 200 spectateurs qu'on peut entendre sur l'enregistrement du concert diffusé sur France Inter en 1979 lors d'une émission de Bernard Lenoir, Feedback. Mais ces 150 d'entre eux étaient des invités. Les managers avouera même plus tard, en 1979, lors d'un autre concert à Paris, avoir acheté 6 des 8 tickets pour que les membres du groupe ne soient pas trop démoralisé. Je continuerai après. On va s'écouter Take the Long Way Home, le cinquième extrait de cet album pharaonique de Supertramp, enregistré à Paris en 1980. en couleur, en concert, sur RQC. When you go home tonight, you must take the long way home. Take the long way home. Supertramp. Donc Supertramp connaît le succès. Supertramp interrompt son Crime Century Tour America en raison d'une blessure au bras de Roger Hodgson. Les membres du groupe s'installent séparément dans des appartements de Venice Beach à Los Angeles. Ils enregistrent une partie de Crisis, White Crisis, au studio de AM Records de Los Angeles et terminent l'enregistrement au Scorpio Studio et Rampart Studio de Londres. Dans le même temps, Ken Scott remixe Len Ho en vue de son éventuelle intégration dans le prochain album. En fait, ce remix ne sera publié qu'en 2005 sur la compilation Rétrospectacle, alors que Hanson enregistre dès 1987 sur son album Hi-Hi au moment de commencer l'enregistrement au studio de Los Angeles. Le groupe n'avait pas encore de maquette ni de projet bien défini. L'album a été en fait élaboré petit à petit en studio. Les plages de Californie n'étaient pas propices à la concentration. Supertramp décide de regagner Londres. Crisis, What Crisis, sort en novembre 1975. Cet album aborde dans l'ensemble des thèmes plus légers que Crime of the Century, l'amour, la vie au quotidien, la famille, et laisse plus de place au saxophone de Helliwell. La pochette de l'album représente un homme en short sur une chaise longue sous un parasol jaune au beau milieu d'une ville industrielle grise et polluée. Le groupe entame une tournée mondiale de 8 mois, Lady Tour, en commençant par le Royaume-Uni et à la fin de l'année 1975 pour poursuivre en Europe, revenir au Royaume-Uni pour un concert au Royal Albert Hall, continuer vers les États-Unis, notamment à Las Vegas, passage assez rare pour un groupe de rock. Le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie en 1976. Cette tournée est plus importante que les précédentes, avec plus d'effets de lumière. À la fin de l'année 1976, les membres du groupe s'installent en Californie. En 1977, pour Even in the Quintest Moment, le groupe engage Geoff Emerick, l'ingénieur du son des Beatles, et s'isole dans les montagnes du Colorado au Caribou Range pour l'enregistrement. Celui-ci, initialement prévu pour 2 semaines, durera en réalité entre 2 et 3 mois, ce qui causera quelques tensions au sein du groupe dues aux grandes parties d'isolement. Puis Supertramp retourne à Los Angeles pour mixer l'album avec les ingénieurs du son Geoff Emerick et Peter Anderson chez Record Plant. Des photographes retournent dans le Colorado pour réaliser la pochette de l'album Un piano dans la neige. En juillet 1977, Even in the Quest of the Moment est déjà disque d'or. Give it a little bit est diffusé en grande échelle sur les radios du monde entier. Alors que le mouvement punk commence à prendre de l'essor, cet album traite des thèmes positifs comme l'épanouissement personnel par les sentiments, Give a Little Bit, l'amour, Lover Boy et la fraternité. En 1978, Supertramp, le premier album du groupe est réédité. Le groupe entame une tournée de 130 dates aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni. Leurs concerts sont de plus en plus soignés, laissant moins de place à l'improvisation, les effets lumière étant calés sur les morceaux avec une grande précision. Breakfast in America. En avril 1978, après cette tournée, un peu de repos, Supertramp commence à travailler chez Rick Davies à Los Angeles sur un nouvel album, puis le groupe part enregistrer au studio Village Recorder avec le producteur Peter Anderson. L'enregistrement, qui devait initialement durer 2 mois, se termine fin 1978. En effet, l'album devait avoir pour thème principal les différences et différents entre David et Hanson, mais le groupe a changé d'idée en cours de route et décide de faire une critique de l'Amérique et du rêve américain. D'abord nommé Working Title, puis Hello Stranger, sans doute une référence à la chanson Goodbye Stranger, Breakfast in America sort finalement en mars 1979 avec beaucoup de retard sur ce qui était initialement prévu. Sur la pochette, on voit une statue de la liberté remplacée par une serveuse tenant le menu, un jus d'orange sur un plateau. Au fond, on distingue Manhattan où les immeubles sont remplacés par des pots de condiments. L'album comporte beaucoup de tubes comme Take the Long Way Home, Goodbye Strangers, Jolly Canson ou Breakfast in America. Rick Davies avait des doutes quant à la qualité artistique de cet album, mais Bob Sindenberg paria 100 dollars avec lui qu'il montrerait en tête des ventes. L'histoire a donné raison à Sindenberg. Breakfast in America s'est en effet vendu à 16 millions d'exemplaires à travers le monde, rien que durant l'année 1980. L'album devient disque d'or et disque de platine dans plusieurs pays et même disque de diamant au Canada. Il est récompensé par un Grammy Award et par la Coupe NARM qui récompense l'album le plus vendu aux États-Unis le 31 mai lors d'un concert au Madison Square Garden à New York. David remet à Sindenberg un billet de 100 dollars encadré sous un verre portant la mention « You better not spend it your rate ». Tu feras mieux de ne pas le dépenser, salaud. Durant ce même concert, AM Records remet au groupe le disque de platine. Peu de temps après, la réédition de Supertramp devient disque d'or. La sortie de l'album est assortie d'une grande tournée mondiale, Breakfast Tour, qui accompagne de nombreux effets spéciaux, d'une somme de matériel impressionnante, 52 tonnes de matériel, d'une valeur de 5 millions de dollars, et d'une équipe de 40 personnes. C'est durant cette tournée que l'enregistrement Live in Paris, celui qu'on s'écoute de 1980, et double album Live au Pavillon de Paris. Plutôt que de centrer le concert sur des chansons de leur album le plus connu, Breakfast in America Tour, le groupe accorde aussi une place importante à des titres plus anciens, notamment ceux de l'album Cry of the Century. Voilà, on va s'écouter un autre extrait, on va s'écouter justement Crime of the Century de Supertramp. En couleur, en concert, sur RQC. Revive the mask and let's see. Vraiment terrible cet album. Donc justement, en parlant de l'album, l'album Live Paris, donc de Supertramp, sorti en septembre 1980 et enregistré le 29 novembre 1979 à Paris. Il dure 1h34, c'est un double CD, double album, double vinyle. On peut classer ça en rock progressif. Producteur de Peter Anderson et de Russell Pope, sorti sur le label AIM Records. Paris est un album live de Supertramp sorti en 1980 et a été enregistré au Pavillon de Paris le 29 novembre 1979 lors de la tournée promotionnelle de l'album Breakfast in America. Certaines chansons ont été jouées mais n'ont pas été gardées sur l'album Oh Darling, Goodbye Stranger, Downstream, Even the Question Woman, Give a Little Bit ou Another Man, mais ces titres sont désormais disponibles sur l'édition Deluxe Breakfast in America. Alors, en CD... Sur le CDA, on a School, A Nobody Bust Me, The Logical Son, Bloody Well Ride, Breakfast in America, You Started Loading, Hide in Your Shell, From the New One. Sur le CD2, Dreamer, Rudy, au saxo box, Opera, Asylum, Take the Long Way Home, Full Overture, Two of US, Crime of the Century. Il existe aussi... un DVD concert sorti en 2012 et il est tiré du concert donné par le groupe le 1er décembre 1979 sur la scène du Pavillon de Paris. Il a été remixé et proposé ici, il est proposé maintenant en HD 1080p depuis le film d'origine de 1979 en 5.1 DTS HD Master Audio 5.1 et la date de sortie le 28 août 2012. Sur un format Blu-ray. Alors les titres, on a School, Bloody Well Ride, Goodbye Stranger, Breakfast in America, Hide in Your Shell, Asylum, Heroin Christian Moment, Give the Little Bit, Dreamer, Rudy, Take the Long Way Home, Another Man Woman, Child of Vision, Full Overture, Two of US, Crime of the Century, From No One, Oh Nobody But Me, You Started Loading, Soup Box Opera, From New One et Downstream. Il faut savoir que sur cette tournée, il y avait comme musicien Rick Davis, clavier, harmonica, chant, Roger Hodgson, guitare acoustique et électrique, clavier et chant, John Eliwell, saxo, clarinette, flûte, clavier, percussion et chœur, Dougie Thompson à la basse et Bob Sindenberg, batterie et percussion. Voilà, j'espère que ce backstage vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Et là, on va se quitter avec Bloody Well Ride. Ciao les amis, restez bien branchés sur RQC, car il y a des bons programmes tout au long de la semaine et même du week-end et même de la nuit. Ciao les amis. En couleur, en concert, sur RQC. Thank you. got a right to say. You got a bloody right to say. Right, you bloody well right. You know you got a right to say. Sorti de trucs qui vous tirent. Très bien. Ah! Ah! Ah bah on a perdu le signal GPS.